François Morel, à vous. Les bistrots sont rouverts depuis plus d'une semaine maintenant, et déjà vous ne savez plus où donner du gosier que vous avez en pente douce. Où aller se désaltérer, où s'abreuver, où piquetonner, où trinquer, où biberonner, où lever le coude, où sumecter les amygdales, où chopiner, où se graisser le toboggan, où s'arroser la valoire, où se piquer la ruche, où recharger les accus, où rhabiller le gamin, où étrangler un perroquet. Les bistrots ont sorti leurs terrasses depuis plus de 8 jours. Mais avant de se retrouver aux zingues, on ne peut pas à l'aveuglette s'asseoir sur n'importe quelle chaise en rotin. On est des esthètes de la picole, des artistes de la lichaille et de la schnoupe. Alors, comment dégoter le bistrot comme il faut? Le bistrot qui est rêvé, la buvette super chouette, l'ectopièce balèze, le bistral idéal. En se procurant la Micheline. La Micheline n'est pas la femme du guide Michelin. La Micheline n'est pas non plus l'inoubliable Sainte Chérie. La Micheline est le guide pratique et sérieux et rigoureusement subjectif permettant de se désaltérer en toute convivialité et sans trop de frais dans les endroits les plus divers. La Micheline est un livre sorti aux Équateurs et signé Philibert Hume et Pierre Adrian. Tournez les pages de la Micheline, c'est déjà voyager. Sur la vitrine du bistrot Place Doumer à Château-Gontier-sur-Mayenne, on peut lire en lettres capitales « Ici, on consulte le bottin ». Chez Charlemagne, sur le port, à l'île aux Moines, on s'interroge. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'alcool? Au Central Bar d'Etel, 13 rue du Général Leclerc, on entend des conversations qui ouvrent des perspectives. Si t'as du macrodrabe avec Marcel, on est preneur. La Pomme d'Or à Pont-l'Évêque est située face à la Droguerie Le Grand. Droguerie Le Grand, c'est épatant. Chez Carole et Philippe, au bourg de la Ferté-en-Ouche, on n'est pas spécialement impressionné par les discours politiques. Le président a dit qu'il ne laisserait personne au bord de la route. Il est bien aimable, mais on ne lui a rien demandé. Surtout qu'au bord de la route, il y a parfois des bistrots où l'on peut satisfaire son goût pour les picombières, la contemplation, la mélancolie et les cacahuètes. Certains bistrots méritent un détour de 5, 15, 30 kilomètres. Certains méritent le voyage en Haute-Saône, comme chez Yvette, à Ré-sur-Saône, ou chez Jackie, à Saint-Loup-sur-Semouse. La Micheline ne prétend pas être exhaustive. Quelques départements, la Seine-Maritime, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, sont surreprésentés au regard de ceux qui ne sont même pas mentionné l'Ain, l'Aisne, l'Allier, le Cantal et la Charente, à qui l'on ferait certainement injure en soutenant qu'il y réside moins d'alcooliques qu'ailleurs. Considérons la Micheline comme un work in progress, comme on dit au Look Bar de Lyon, au Cool à Marseille, au Jackspot à Imphy dans la Nièvre. L'année prochaine, le livre sera augmenté des nouvelles découvertes et un jour on s'étonnera, dis donc, que les rédacteurs du guide Michelin sont pas des moitiés de dégueulasses vu qu'ils se sont pas gênés pour copier leur nom sur celui de la Micheline, tournée des Bars de France de, je le répète, Philibert Hume et Pierre Adrian. Livre frivole, léger, superflu, autant dire parfaitement indispensable. Merci François Morel et merci à Antoine Salaire qu'on entendait à l'accordéon, au piano et à la trompette. France Inter.